Alors merci de prendre place. On va commencer. Donc je remercie vivement Judith Rebelle d'avoir accepté cette conférence et de nous ouvrir son regard philosophique sur l'année écoulée, sur cette année évidemment si particulière que nous avons vécue. Pourquoi cette petite séquence ? Ben, on avait pensé évidemment à Kant qui, dans un petit opuscule qui s'intitule « Qu'est-ce que les Lumières ?», proposait de répondre déjà à une question d'actualité, comme l'a bien remarqué Michel Foucault dans un petit commentaire de ce texte de Kant. Kant était le premier philosophe à se pencher, à se donner comme tâche de penser le temps de son époque. C'est à ce difficile exercice que nous invitons les philosophes, et aujourd'hui Judith Revel. Alors évidemment, le travail du philosophe ne consiste pas à commenter l'actualité, c'est plutôt l'affaire des journalistes, mais à prendre les choses un petit peu à la racine, afin de donner des outils théoriques, finalement, et pratiques, et en articulant les différents niveaux de réflexion, qu'ils soient individuels, collectifs, moraux ou encore politiques. Alors, qu'est-ce que cette crise sanitaire nous dit du monde dans lequel nous vivons ? La philosophie peut nous aider à comprendre comment cette crise sanitaire a peut-être profondément changé notre perception du temps, de la durée, et en quoi ça a pu affecter aussi notre rapport aux autres et au monde. En tout cas, elle nous rappelle sans doute la profonde vulnérabilité humaine dans un monde qui a fait tout pour l'oublier. Alors, avant de laisser la parole à Judith Revel, je vais la présenter un petit peu. Judith Revel est professeure de philosophie politique à l'Université Paris-Nanterre. Elle est directrice du laboratoire Sophia Paul. C'est un laboratoire de sociologie, philosophie et anthropologie politique. Elle est membre du Centre Michel Foucault, du conseil scientifique de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, ça s'appelle l'IMEC. Et elle fait partie du comité scientifique du Collège international de philosophie. Ses recherches sont en grande partie axées sur la pensée de Michel Foucault, à qui elle a consacré de nombreux ouvrages. Vous en trouverez notamment, évidemment, sur notre partenaire du Square, notamment Foucault, Expérience de la pensée, aux éditions Bordas en 2005, Foucault, Une pensée du discontinu, aux éditions Fayard, Mille nuits, en 2010, Foucault avec Merleau-Ponty, Ontologie politique, présentisme et histoire, aux éditions Vrin en 2015, et elle a édité aussi des textes du philosophe, hein, notamment dans un recueil qui s'appelle Michel Foucault, Langage, littérature, folie, qui est paru aux éditions Vrin en 2019. Donc elle travaille essentiellement sur la pensée du politique. Elle a participé notamment à cet excellent dictionnaire politique à l'usage des gouvernés aux éditions Bayard en 2012. Et elle travaille sur les représentations de l'histoire en France et en Italie après 1945. C'est sur les manières, sur les représentations de l'histoire et le rapport au présent finalement qui détermine peut-être les pensées politiques contemporaines. Elle s'attache à essayer de refonder en quelque sorte les concepts politiques de la modernité à l'aide notamment de Michel Foucault. Et c'est très intéressant de voir comment les concepts de Michel Foucault, la biopolitique par exemple, peuvent être réinvestis pour penser l'actualité. Donc elle va nous en parler bien sûr, et je lui laisse la parole en la remerciant beaucoup de sa présence. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Merci à tout le monde d'être là. C'est une tâche difficile qui m'a été attribuée, à la fois parce que beaucoup de choses ont été dites déjà dans le moment abécédaire, donc j'y reviendrai, et puis parce que ce regard philosophique sur l'année écoulée n'est pas exactement un titre, c'est une sorte de proposition qui m'a été faite par les rencontres philosophiques d'Uriage, un peu comme un exercice philosophique sous contrainte, un peu comme il y a des écritures sous contrainte. Et parce que cette rubrique-là qui m'a été proposée, elle pose la double question de ce qu'on entend par philosophique, dans regard philosophique, et puis de ce qu'on entend par année écoulée. C'est quoi un temps écoulé, voilà. Alors, très, très rapidement, qu'est-ce qui fait un regard philosophique ? Je voudrais d'abord dire, et c'est une chose un peu personnelle que vous me passerez, à quel point il est pour moi difficile de reprendre la parole après deux ans, un an et demi, d'un silence quasi total, un silence auto-imposé, voulu, face à l'extraordinaire, c'est-à-dire aussi parfois, selon moi, inquiétante, prolifération de paroles philosophiques au pluriel, De point de vue philosophique, de philosophes, il y avait des philosophes partout, dans les médias, à la radio, à la télé, dans les journaux. Non pas que ce soit un mal en soi, tant mieux si la philosophie est partout et si elle est présente dans, les débats sociaux et culturels qui nous occupent, mais parce que finalement, ces deux années de Covid se sont traduites par une généralisation de la figure du philosophe comme très souvent porteur de vérité, celui qui dit la vérité sur son propre temps, celui qui donne les repères pour penser la vérité. Et comme si le recours à la philosophie avait pour but de réassurer et de rassurer. Alors c'était étonnant parce que c'était en même temps des philosophes et une autre catégorie qui a bien entendu non seulement le droit d'exister, mais dont on a besoin. Cette autre catégorie, c'était celle des psychologues. Et cet essaimage de la parole philosophique et du diagnostic psychologique, l'une et l'autre catégorie étant parfois très perméable, m'a semblé intéressante à interroger pour commencer et pour vous dire aussi ce que je ne ferai pas. Il est évident que dans la violence de ce qui est arrivé, et qu'on a tous vécu et subi de manière différente et parfois très, très violente, on avait besoin de cette réassurance et de cette rassurance. Et en même temps, je crois qu'on ne peut pas ne pas questionner les modalités de ce qui s'est passé autour de cette parole philosophique. Parce que réassurer et rassurer, c'était permettre en réalité, coûte que coûte, ce qu'on a appelé, ce qu'on continue à appeler la résilience. Et si le concept existe et le concept a une consistance qui lui est propre et que je ne dénie pas, souvent on a fait jouer à cette notion de résilience quelque chose d'autre. C'est devenu, à la faveur de sa diffusion généralisée, simplement le mot pour dire la faculté d'adaptation des hommes et des femmes dans leur vie individuelle. La capacité à encaisser un choc, c'est le sens primaire du mot résilience, puisque ça désigne en physique la capacité d'un métal à encaisser un choc, sa capacité de déformation et de récupération de sa forme initiale. Et cette manière d'encaisser le choc posait au moins deux problèmes. La première question, c'était le fait que très souvent, on ne distinguait pas entre l'adaptation à des conditions sur lesquelles on n'avait pas de prise. Et effectivement, l'épidémie était au moins dans un premier temps quelque chose sur quoi on n'avait pas de prise. Mais ça pourrait être le cas, par exemple, pour une guerre. Et de fait, la métaphore guerrière a été très tôt utilisée. Donc face à une violence, la violence de ce qui nous arrive et qu'on ne maîtrise pas, comment faire pour encaisser ce choc-là? Et puis, il y avait un second sens, et c'est là que l'ambiguïté me semble à questionner, c'était l'adaptation à des conditions qui ne sont pas du même ordre, parce qu'elles pourraient être autrement. Par exemple, et je vais y revenir bientôt, la pérennisation d'un certain nombre d'éléments dus à la crise traversée et qui deviennent par la suite normaux, entre guillemets, y compris lorsque la crise se modifie, lorsque les choses évoluent. Je vous donne qu'un exemple tout de suite, puisque je vais y revenir après. La transformation que chacun de nous, très souvent, a vécue dans son rapport au temps de travail, quand on travaille chez soi, ou au moins en partie chez soi, et l'extrême porosité entre temps de travail et temps de vie. On a tous vécu bien souvent vécu cette chose-là, qui fait que, à la place du temps de travail, on avait les 24 heures sur 24 et les 7 jours sur 7 du temps de vie mis au travail. Je pense qu'on a tous fait l'expérience du coup des mails qui arrivent le vendredi soir ou pendant le temps de week-end ou à 23h, et auxquels il faut répondre. Et ces conditions exceptionnelles liées bien entendu au travail à domicile, il faut les questionner lorsqu'elles deviennent normales. Lorsqu'on retourne sur son lieu de travail et qu'on s'aperçoit que finalement l'exceptionnalité du rapport au travail est devenue la condition générale qui nous est faite aujourd'hui de plus en plus, alors dans nos métiers, mais pas seulement dans nos métiers. Alors voilà un exemple, par exemple, il y a un retour, mais je ne sais pas si vous entendez vous le retour. Ouais. Ah, c'est l'effet du micro. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors, point d'analyse nécessaire, du coup, qu'en est-il de la résilience comme faculté d'adaptation face, par exemple, à ce type de phénomène-là? Est-ce que c'est une loi de l'acceptation qui fait l'économie d'une analyse et éventuellement d'une critique de ce qui se passe. Alors, premier problème. Deuxième problème, le statut de la parole philosophique, ou si vous voulez, la transformation double de cette parole philosophique, à la fois en parole psychologisée, et n'entendez pas dans cette expression parole psychologisée une critique de la psychologie en tant que telle, qui bien entendu est nécessaire, mais il me semble que ça ne doit pas nécessairement être le seul statut de la parole philosophique ou de l'analyse philosophique. Et puis, ce qui pour moi était plus gênant, une parole philosophique comme porteuse de vérité, et l'émergence de quelque chose qui se généralise de plus en plus et qui est de l'ordre du coaching philosophique. Alors on revient au thème de l'adaptation. Je crois qu'il importe de dire que la philosophie est, ou en tout cas peut aspirer à être, autre chose qu'un coaching des vies individuelles, et qu'il faut se souvenir qu'il n'y a pas de pratique de la philosophie sans une capacité d'interrogation et de questionnement, de problématisation. La philosophie n'a pas vocation nécessairement à apporter des réponses. Et du coup, puisqu'on me demandait de réfléchir en philosophe à partir de l'année écoulée, c'est autour de trois grandes séries de questions, trois massifs de questions que j'ai choisi d'organiser cette brève intervention. Alors, c'est une intervention qui est placée sous le signe d'une réflexion sur l'actualité, ce qui a en soi une histoire philosophique. Hein. La prière du philosophe, c'est la lecture du journal du matin, comme disait l'autre. Donc, il y a bien entendu quelque chose comme une histoire philosophique de la réflexion philosophique sur l'actualité. Vous citiez Kant et la Aufklärung, et c'est bien entendu une référence à laquelle on pense. Mais je pense qu'il faut aussi prendre au sérieux cette contrainte de réflexion sur l'actualité et déborder éventuellement du cadre du thème du temps, ce que je vais faire. Alors, trois massifs que je vous propose tout de suite. Premier massif, première série de questions, celle qui concerne alors, une modification substantielle de notre rapport au temps, c'est par ça que je vais commencer, je vais vite déborder, ou de la représentation qu'on se fait de ce temps. Donc vous voyez, je suis une bonne élève, je colle aux consignes. Deuxième thème, celle qui concerne l'ambiguïté constitutive de ce qu'on appelle des politiques de santé, dont on a beaucoup parlé, comme mode de gestion de la vie, c'est-à-dire comme pouvoir sur la vie, ce que Michel Foucault aurait appelé des biopouvoirs, ce qu'il a appelé aussi une biopolitique, mais aussi potentiellement comme un terrain formidable de démocratisation de la démocratie, et j'emprunte cette expression de démocratisation de la démocratie à Étienne Balibar. Et puis enfin, troisième grand massif, si j'en ai le temps, ce que la crise sanitaire a transformé, ou en tout cas rigidifié dans la représentation que nous avons des sujets sociaux et politiques que nous sommes, avec, me semble-t-il, un durcissement d'une opposition qui a toujours existé, mais qui se donne dans des termes qui sont différents, me semble, aujourd'hui, un durcissement entre ce que l'on présente comme une logique individuelle de l'agir, d'un côté, et une logique collective de l'agir, de l'autre. Et j'essaierai de vous montrer qu'il y a peut-être entre ces deux branches de l'alternative d'autres manières de penser. J'essaierai de vous montrer que cette opposition, qui est encore une fois très présente dans les argumentations aujourd'hui, ne couvre pas la totalité du champ de la réflexion sociale et politique, mais qu'on peut peut-être expérimenter autre chose. Dans les trois cas, ce qui m'intéresse, et ce qui finalement est pour moi le monogramme de ce qui s'est passé depuis 18 mois, c'est à la fois l'émergence visible de structures qui sont toutes fondées sur des propositions contradictoires, des alternatives, qui semble saturer le champ de l'analyse, et puis la méconnaissance ou la difficulté à penser autrement le champ des possibles. Alors, premier grand massif, je reviens à mon plan tripartite, parce que là aussi je suis construite par l'exercice académique de la chose, la question du temps. La question du temps pendant et après l'épidémie, puisque finalement, la réflexion sur l'année écoulée, c'est ce à quoi ça m'invitait. Année écoulée, c'est après. Je viens de dire donc pendant et après, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire la distinction entre ces deux termes, pendant après. Même si on aimerait pouvoir dire que ça vaut, nous ne savons pas si nous sommes sortis de l'épidémie. À vrai dire, nous ne savons pas si nous en sortirons. Et je ne fais pas, je ne joue pas le rôle de l'oiseau de mauvaise augure. Ce que je veux dire par là, c'est que essayer d'affirmer qu'il existera un jour un temps où nous pourrons dire que c'est fini, l'épidémie, c'est une opération extraordinairement hasardeuse du point de vue méthodologique. Ou alors, peut-être qu'il faudra, je reprends une expression qui fait florès dans les discours médiatiques, qu'il faudra vivre avec. Alors, derrière ce « c'est fini » ou ce « vivre avec », se pose une question qui est une énorme question et qui est « qu'est-ce que c'est que laisser derrière soi quelque chose ?» Que ce quelque chose soit un phénomène, une période, un moment, quelle que soit l'expression qu'on utilise et la consistance épistémologique de ces expressions, moment, période, quelque chose, événement, etc. etc. Et je crois que la conception de l'histoire que nous avons, elle est fondée, alors on y faisait référence ce matin, c'était Philippe Barrière qui en parlait et qui en parle bien mieux que moi parce que je ne suis pas historienne et qu'il l'est, elle est fondée sur l'artifice conventionnel qui consiste à poser des césures, des datations. Alors ces césures ou ces datations, elles sont celles qui constituent les chronologies que nous avons apprises à l'école et qui de plus en plus sont susceptibles d'être révisées, discutées, relativisées, non pas qu'elles n'existent pas, bien sûr que 1789 existe, bien sûr que 1945 existe, bien sûr que etc. etc. et bien sûr que 2019, Covid-19 existe. Et en même temps, cet artifice-là, il est en permanence soumis à un travail de réélaboration. Je pensais, en préparant cette intervention, par exemple, à la manière dont Eric Hobsbawm a retravaillé la définition du XXe siècle comme un court XXe siècle, en déplaçant les bornes du XXe siècle de 18, fin de la Première Guerre mondiale, à 90, écroulement du bloc de l'Est. Vous voyez qu'on peut jouer en accordéon littéralement sur les périodisations. Alors, appliquer à l'année qui vient de s'écouler, ça veut dire plusieurs choses. Covid-19, est-ce que c'est vraiment 19? Nous l'avons perçu comme mars 2020 et pas comme 2019. S'il fallait être exact, on a d'abord dit décembre 19, puis novembre 19. Puis j'ai lu des articles scientifiques qui indiquaient plutôt septembre 2019. Et on ne sait pas, et on remonte. Et du coup, je suis allée voir ce qui s'était passé au début des années 80 sur la recherche du patient zéro au moment de l'émergence de l'épidémie de VIH, le sida. Et je me suis dit, il y a, dans un cas comme dans l'autre, cette idée de la remontée à la cause première, incarnée par le patient zéro, qui bien entendu est un artifice, parce qu'il n'y a pas de cause première, il n'y a pas de remontée à la cause première. Je vais revenir sur cette idée de cause et sur la nécessaire réflexion sur l'idée de causalité. Mais il n'y a pas de cause première, il n'y a pas de fin non plus. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça se termine? Est-ce qu'on est encore dedans? Ou est-ce que l'année écoulée, c'est finalement ce qui est derrière nous? On est, me semble-t-il, ici... dans des régimes de représentation de l'historicité, encore une fois, on en parlait dans l'abbacédaire ce matin, qui sont extraordinairement artificiels, dont on a besoin pour vivre et pour avancer, et pour se configurer le temps, une marche du temps, dont on aimerait qu'il aille vers quelque part, mais qui ne sont jamais que des artifices ou des trucs pour se situer dans une continuité. Alors, je pense que tout cela, en réalité, semble témoigner d'un phénomène contradictoire. D'une part, notre difficulté à nous représenter une chose nouvelle et qui est une suspension, je crois que vous avez utilisé le mot, c'est souvent le terme qu'on emploie, du temps, qui est à la fois due à l'effet de sidération devant la violence du phénomène épidémique, son caractère soudain, son caractère général, et puis la violence de la dévastation des vies. Moi, j'ai longtemps vécu en Italie, et en Italie du Nord, entre mars et mai, on a compté les morts. Et quand on dit on a compté les morts, ce n'est pas seulement les phénomènes statistiques. Je me souviens d'une déclaration du maire de Bergame qui avait dit « En 3 mois, c'est toute une génération qui a disparu. » qui est la génération qui avait constitué, par exemple, l'histoire sociale et économique de l'Italie d'après-guerre dans les années 50-60, au moment du boom économique. Et il y a eu une sorte de dévastation générationnelle. Les gens sont morts littéralement comme des mouches. Donc, il faut prendre au sérieux aussi cette dévastation. Donc, sidération devant la violence, devant la rapidité du phénomène, devant son expansion mondiale, et puis, bien entendu, suspension effective des relations sociales pendant les confinements, et en particulier pendant le premier confinement. Et puis, en même temps, il y avait l'incapacité où nous étions, et où nous sommes probablement encore, de maintenir des grilles de lecture temporelle efficaces. Encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui par rapport à hier ? Est-ce qu'il y a des discontinuités ou est-ce qu'on cale les discontinuités ? Qu'est-ce que c'est qu'après le Covid ? Y aura-t-il un après-Covid ? Est-ce que cette expression après-Covid a un sens effectif ou pas ? Alors, tout ça entraîne bien évidemment une sorte de présentisme généralisé. Alors, Philippe Barrière faisait allusion aux hypothèses de François Hartog. Il parlait de régime d'historicité, mais le sous-titre du livre de Hartog de 2003, Régime d'historicité, c'est présentisme et expérience du temps. Et l'hypothèse de Hartog, que je résume mal et je m'en excuse parce qu'il faut faire vite, vous la connaissez peut-être, c'est l'idée qu'il y a un recentrement dans notre rapport au temps sur le présent, c'est-à-dire en réalité une perte à la fois d'un rapport au passé qui serait la sédimentation de nos expériences, et la perte d'un rapport au futur comme surface de projection des désirs, des volontés, des espoirs de changement, donc ce que Hartog appelle en bon lecteur de Kozelek un horizon d'attente. Présentisme, c'est cette sorte de condensation du rapport à l'histoire et au temps sur la seule catégorie de l'histoire, sur l'instantané, sur l'événement, avec cette mise entre parenthèses, provisoire ou pas, du rapport au passé, du rapport à l'avenir, à ce qui n'est pas encore. Alors, tout ça, on pouvait le décrire, le diagnostiquer, l'analyser avant la pandémie. Le livre de Hartog est du début des années 2000, et je ne m'y arrête pas ici, mais c'est un sujet de discussion avec Hartog depuis longtemps. On peut discuter, par exemple, la manière dont... Suspense. La manière dont Hartog attribue à la philosophie contemporaine, et en particulier à la philosophie qui s'est développée autour de 68 et jusqu'à aujourd'hui, une responsabilité dans cette suspension double du rapport à passé et de la projection vers des horizons d'attente. Il cite très nommément Foucault, Deleuze et toute une série de philosophes qui auraient, encore une fois, accentué dans leurs analyses ce présentisme. Alors, la question, elle est, est-ce que ça a été consolidé ultérieurement par ce qui s'est passé lors de la pandémie ? Est-ce que, par ailleurs, ce qu'on a vu émerger pour d'autres raisons depuis une grosse vingtaine d'années et que les politologues décrivent assez bien aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de court-termisme généralisé du discours politique, un écrasement de la dimension temporelle du politique sur un temps d'échéance brève, qui est le temps des sondages, par exemple, du just-in-time des sondages. Donc ça a été beaucoup travaillé par les politologues. On raisonnait sur des temps de projet qui étaient à 15 ans, puis à 10 ans, puis... À 7 ans, le septennat, on est maintenant dans un temps du quinquennat, mais on est dans des demi-échéances à l'américaine, le mid-term, etc. Donc on est dans des temps de plus en plus brefs du discours politique, et ce raccourcissement du temps politique a accompagné ce mouvement général. Alors ça, c'est un premier constat, si vous voulez. Puis en même temps, simultanément, et c'est là que ça se complique, on est dans un temps qui est extraordinairement... rallongé, ou plus exactement indéterminé. Et là encore, c'était vrai avant la pandémie, par exemple le temps de l'évolution des climats, qui est un temps long. Et en même temps, je suis désolée de redire en même temps, c'est pas du tout un slogan politique, ni d'ailleurs une redondance du thème de ces rencontres, mais ce qui est très paradoxal, c'est que ce temps long de l'histoire des climats. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire des climats depuis l'an 1000 d'Emmanuel Leroy Ladurie. Ça s'inscrivait dans une durée très, très, très, très, très longue. Semblait requérir une rapidité d'action de plus en plus grande. Il y a une urgence à intervenir pour empêcher que ce temps long de l'histoire climatique ne devienne une catastrophe à très brève échéance. C'est l'urgence dont a parlé Thomas Bocongibeau il y a peu. Alors, le temps à la fois long et urgent, distant et immédiat de l'épidémie ou des épidémies, parce que finalement, cette épidémie de Covid n'est pas la première, ni de ce type de virus, ni des épidémies en général, était assez contradictoire. Ou alors, autre type d'indétermination dans un autre registre, l'indétermination d'un temps politique et juridique entièrement tendu entre une intervention au jour le jour. Alors, dans l'épidémie, ça a été, et c'est encore pour ceux d'entre vous, j'espère que vous avez l'application Tous Anti-Covid. Moi, je regarde souvent les chiffres. On regarde ce qui se passe jour après jour. Alors, ce n'est pas jour après jour, c'est semaine après semaine. On voit l'évolution. Donc, là aussi, raccourcissement du temps. La diffusion du virus se fait, encore une fois, sur des échelles de temps très brèves. Et puis, en même temps, la suspension étrangement sans terme, ou en tout cas suffisamment reconduite pour sembler décrochée d'un calendrier perceptible, de ce qu'on pourrait appeler de manière vague le fonctionnement normal de notre démocratie, entre guillemets. Non pas, je précise tout de suite, parce que nous serions sortis de la démocratie, il ne s'agit bien entendu pas de ça, nous sommes en démocratie et la démocratie est effective en France, mais parce que nous sommes, là aussi ça a été dit avec U comme urgence, dans un état d'urgence sanitaire mis en place en octobre 2020, et dont le régime de sortie, puisque c'est l'expression officielle, a été mis en place par la loi du 31 mai 2021 et actuellement en vigueur et a été prolongé jusqu'au 15 novembre en attendant de voir. Alors, c'est intéressant cette histoire de l'état d'urgence parce que ça pose des questions de temps. Moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas spécialiste de droit, ni même d'ailleurs de philosophie du droit, mais j'ai lu des collègues juristes et je sais, j'ai appris d'eux que le risque de l'état d'urgence qui est prévu constitutionnellement, mais qui est prévu pour un temps déterminé et toujours bref, le risque c'est que le terme annoncé n'en soit pas un et que l'urgence soit reconduite et que des mesures exceptionnelles qui suspendent un certain nombre de garanties démocratiques soient paradoxalement absorbées, rentrent peu à peu dans la réglementation normale des vies, comme ça a été par exemple le cas avec le passage d'une partie des mesures adoptées pendant l'état d'urgence antiterroriste, parfaitement légitime et parfaitement compréhensible, dans ce qu'on appelle le droit commun. Donc, fin de l'état d'urgence, on est sorti de l'état d'urgence antiterroriste, mais une partie du paquet des mesures qui constituaient l'état d'urgence antiterroriste sont aujourd'hui une norme du droit commun. Donc cette intégration dans la normalité juridique, cela signifie que l'exceptionnalité juridique est devenue la règle, cela signifie que l'idée même du terme de l'urgence, aujourd'hui, n'existe plus. C'est ça que j'appelle une indétermination de l'exceptionnalité. Donc vous voyez comme on est dans un double régime, on danse sur deux pieds différents, d'un côté le just-in-time de l'adaptation permanente est nécessaire à ce qui se produit, chiffre en main, parfaitement compréhensible. De l'autre, une exceptionnalité qui, elle aussi, est parfaitement compréhensible parce qu'on en a besoin. Et en même temps, toujours ce risque de l'indétermination qui est, elle, quelque chose qui fait peser sur les garanties démocratiques une menace. Alors, une menace relative dans un pays comme le nôtre, mais une menace quand même, parce que historiquement, on sait ce que ça peut vouloir signifier aujourd'hui, et parce que ça nourrit, bien entendu, quelque chose comme un soupçon. Alors, dernier élément à propos du temps, dernier élément d'interrogation, puis je vais passer très rapidement, parce que je vois que le temps passe aux deux rubriques successives, les schémas que nous mobilisons pour penser la transformation du monde qui nous entoure et la manière dont nous menons nos vies dans ce monde qui nous entoure. Il me semble qu'à la faveur de la pandémie, ces schémas se sont extraordinairement simplifiés. Ils se donnent sous plusieurs versions qui sont toutes également fausses. Par exemple, quand ça sera fini, il s'agit de revenir au monde d'avant. Ou alors, le monde ne sera plus jamais comme avant, qui sont les deux versions opposées, symétriques et inverses. L'une et l'autre proposition, supposant que l'alternative entre l'absolument identique et l'absolument différent va de soi. Je crois que cette opposition, elle va absolument pas de soi et qu'une transformation en histoire implique un régime qui n'est ni... qui n'appartient ni à la première catégorie ni à la seconde, mais qui est un régime mixte, qui est constitué à la fois de ruptures, d'émergences, de nouveautés, et puis de permanences, de reconductions, de déterminations sur des périodes moyennes ou longues, et que c'est précisément cette complexité, ce tissage entre un déjà-là plus ou moins durable et puis une nouveauté émergente plus ou moins violente qui constitue l'épaisseur de ce qu'on appelle l'histoire. Alors, on voit souvent apparaître, à la faveur de cette simplification des conceptions, qui sont extraordinairement pauvres, des représentations de la causalité qui sont assez intéressantes à interroger. Par exemple, une causalité simple, inapplicable à l'histoire, et ici plus... généralement inapplicable aux faits sociaux ou à ce qui nous arrive, qui consiste à dire si A, alors B. Et le si A, alors B est, je crois, exactement le type de raisonnement qui est, par exemple, mobilisé dans les discours complotistes. Si vous vous faites vacciner, vous deviendrez des émetteurs de 5G. Ou alors si, etc., etc. Ou si, et inversement, si tout le monde se fait vacciner, on obtiendra... une couverture par un phénomène de groupe. Voilà. Je crois que les discours simplificateurs sont mauvais en histoire, et puis je crois que, là aussi je ne suis pas historienne, mais il est intéressant pour des philosophes d'aller voir ce qu'ont fabriqué les historiens depuis quelques décennies, en particulier une réflexion sur cette idée de la causalité. Comment c'est notre regard au présent, depuis le présent, rétro-projeté sur les épaisseurs d'histoire qui nous intéressent, qui constituent en réalité les schémas de causalité que nous nous reconnaissons. Et je pensais aux analyses de Paul Venn, par exemple, dans Comment on écrit l'histoire, sur cette idée d'une rétrodiction causale, rétro-projection, on lui dit mieux ça que moi, il dit rétrodiction, parce que c'est pas une causalité, mais c'est des causalités, c'est des faisceaux de causalités complexes, et que si on a plusieurs causalités imbriquées, ça implique toujours un travail du regard au présent, et ce travail du regard, qui est un travail aussi de l'analyse, qui est de l'ordre de l'hypothèse, ça consiste à faire des choix de hiérarchisation entre les causalités, ça implique de faire un travail de corrélation entre des types de causalités différentes. Et ce travail de hiérarchisation et de corrélation, il n'est pas neutre parce qu'il ouvre la porte à ce qu'on appelle des interprétations des faits historiques qui ne sont pas de l'ordre seulement de l'herméneutique, mais qui sont de l'ordre de la construction d'hypothèses sur des faits historiques et qui ouvrent, qui font de l'histoire quelque chose comme un champ des possibles. Et j'avais en tête... cette chose qui est aujourd'hui à la mode, mais qui n'est pas un phénomène de mode et qu'on appelle l'histoire contrefactuelle, qui est par exemple développée par Quentin de Luermoz et Pierre Saint-Garavello, l'histoire comme champ des possibles, ce qu'on appelle aussi la what-if history, et si telle chose n'avait pas été à tel endroit, que se serait-il passé de tout le reste? Et si finalement, et s'il n'y avait pas eu chemin de fer dans l'histoire des États-Unis? Qu'est-ce qui serait passé dans le développement économique et politique des États-Unis, par exemple, tout le reste demeurant égal. Alors, deuxième... Les deux autres massives vont être plus rapides. Deuxième massif, la question de la santé. Alors là, je m'éloigne du thème. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de santé ? Et pourquoi est-ce qu'une politique de santé est constitutivement ambiguë ? Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit répréhensible, qu'elle soit inutile, qu'elle soit par principe critiquable. Les politiques de santé sont absolument nécessaires, bien entendu. Je crois qu'elle est constitutivement ambiguë, et là, pour le coup, je me souviens que je suis une lectrice de Michel Foucault, parce qu'elles servent, bien entendu, à gouverner nos vies. Foucault s'est beaucoup intéressé aux politiques de santé, à un moment qui était un moment où il travaillait sur la structure de l'hôpital, en particulier au milieu des années 70. Je pense à deux textes, Naissance de la médecine sociale au XVIIIe siècle d'un côté, et puis La politique de la santé au XVIIIe siècle, qui sont deux textes, une conférence et un texte du milieu des années 70. Et ce que dit Foucault, c'est que ces politiques de santé, elles sont encore une fois témoignent d'une modernisation du rapport gouvernemental aux individus. Elles vont dans le sens d'un progrès, d'une prise en charge de la santé des hommes et des femmes. Et bien entendu, c'est un progrès lié à toute une série de choses, dont les Lumières, mais qu'elles sont aussi un déploiement nouveau de la morsure des pouvoirs sur les vies, j'aime bien cette expression de Foucault, de la prise des pouvoirs sur les vies, parce qu'elles font devenir toute une série de choses qui ne rentraient pas dans les objets de gouvernement classique, importantes pour la pratique du gouvernement, pour les pratiques de gouvernement. L'alimentation, la démographie, la sexualité. Et on pourrait rajouter, à la hauteur de ce qui nous est arrivé depuis 18 mois, mais ça n'est pas finalement un phénomène nouveau, ni pour les historiens, ni pour les philosophes, le droit à se déplacer librement, le droit à avoir un visage, le droit à toucher les gens, toutes choses qui ne sont pas indifférentes pour nos vies, etc., etc., etc. Alors, ces politiques de santé qui sont souvent extraordinairement prescriptives, encore une fois, elles sauvent. Et en même temps, à quelles conditions le fait que ces politiques de santé nous sauvent sont-elles acceptables ? Je crois qu'il y a un certain nombre de critères qu'il serait bon de poser. J'en donne quelques-uns, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Par exemple, le critère de la transparence des modes de gestion politique et économique de la santé. Parce que sans cette transparence des modes de gestion, on assiste à ce à quoi on a assisté depuis 18 mois, qui existait déjà avant, mais qui a été extraordinairement accentué et accéléré, qui est la montée des populismes. Je disais tout à l'heure montée des complotismes. Plus on est dans un registre de l'opacité gouvernementale, qui est dû aussi au tâtonnement, et on peut tout à fait comprendre, et plus on nourrit paradoxalement ce qui se donne comme l'idée que derrière les pratiques de gouvernement et les décisions gouvernementales, il y a quelque chose de l'ordre du secret. Et puis, il y a une deuxième chose qui m'est chère, pour le coup, c'est des choses sur lesquelles j'ai un peu travaillé, et c'est l'interrogation sur ce qui est de l'ordre du privé, nos vies individuelles, ce qui est de l'ordre du public, les décisions étatiques et gouvernementales, l'entrechoquement entre ces deux dimensions, le gouvernemental prétendant régir, légiférer et décider sur nos vies privées, sans jamais réfléchir qu'entre le public et le privé, il y a peut-être un troisième espace que l'épidémie nous a donner à voir et sur quoi il s'agit de réfléchir un peu sérieusement. Et cet espace, c'est celui du commun. Qu'est-ce que c'est que l'espace du commun comme étant, non pas un troisième terme qui réunirait le public et le privé, l'étatique et l'individuel, non pas un dépassement de leur antinomie, c'est pas très intéressant ça, mais un champ vierge à expérimenter. Alors on parle beaucoup de commun, quand on parle de commun naturel, on a parlé du commun que représentait l'eau, on a parlé du commun que représentait l'air, on a parlé du commun de la question écologique. On a assez peu parlé de choses qui nous engagent tous sont des conditions de possibilité de nos vies, mais qui ne sont pas de l'ordre du strictement environnemental, écologique ou naturel. Les vaccins, par exemple. Et dire, alors c'est pas moi qui le dis, c'est par exemple Joe Biden l'année dernière, dire que les vaccins doivent être qualifiés de bien commun, et donc d'une certaine manière qu'une réaction mondiale à la pandémie, parce que c'est une pandémie et pas seulement une épidémie, doivent susciter une réflexion sur ce qui est commun et ne peut en tant que tel appartenir ni à un seul individu, ni à un seul État, qu'il n'y a pas de solution nationale face à un phénomène pandémique, par exemple. C'est dire des choses qui sont sympathiques, mais il faut en mesurer toute la puissance, j'allais dire politique, conceptuellement politique. Ça veut dire remettre en cause, par exemple, quelque chose qui a fondé l'histoire des États modernes depuis le début de la modernité, depuis le XVIIe siècle, et nos systèmes de pensée, c'est-à-dire l'idée de la propriété. Qu'est-ce que c'est qu'un penser un espace cosmopolitique non propriétaire ? Qu'est-ce que c'est que dire les vaccins ne doivent appartenir à personne parce qu'ils sont de tous, parce qu'ils sont dus à tout le monde. Et je crois que la dimension éthique a très souvent été présente dans le débat qu'on a entendu ces derniers mois. On ne peut pas laisser des parties entières de notre planète mourir sans vaccin. Mais que la solution, elle est bien entendu pas on va leur donner des vaccins, sous-entendu, on va leur refiler très souvent les vaccins qu'on ne veut pas, et donc on envoie AstraZeneca massivement, par exemple, dans les pays africains. C'est pas ça la question. La question, elle est que signifie dire que cette extraordinaire réussite en termes de rapidité de production et d'élaboration que sont les vaccins qui marchent aujourd'hui et leur amélioration future, puisque bien entendu la chose n'est pas close, que signifie dire que le résultat d'une coopération entre des intelligences qui sont dispersées dans le monde, des institutions qui sont dispersées dans le monde, des universités, des centres de recherche, des laboratoires. Que signifie dire que la corrélation, la coopération de ces intelligences-là est désormais chose commune, qu'elle n'a pas de valeur marchande et qu'elle doit pour cela être de toutes et de tous. On rentre ici dans un champ qui est un champ qui, encore une fois, est un champ éminemment politique et juridique. Quel est le statut de ce commun-là ? Alors, je me souviens de discussions il y a une dizaine d'années sur le droit d'auteur et les brevets, et où on me disait très justement, et j'entendais l'argument, « Ah, mais on ne peut pas dire que tout est de tous, parce que sinon, les auteurs, comment est-ce qu'ils vivent ?» Alors, pas nous, philosophes, parce qu'on gagne toujours 3-6 sous en écrivant des livres, mais les gens qui sont sérieux et qui produisent des œuvres, en particulier les artistes, mais pas seulement les artistes, et bien entendu les scientifiques. Ou alors, argument mis à jour en fonction du calendrier qui est le nôtre aujourd'hui, mais vous comprenez, l'investissement dans la recherche fondamentale nécessite des sommes d'argent absolument faramineuses, et ces sommes d'argent faramineuses, elles rendent urgente et nécessaire quelque chose comme un retour sur investissement, c'est-à-dire le dépôt de brevets. Et je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui, et encore une fois, c'est un problème philosophique et conceptuel avant d'être un problème économique, de se demander si l'argument économique de type « il faut un retour sur investissement » tient encore la route face à un phénomène pandémique comme celui que nous avons traversé. Et vous voyez qu'on est là face à quelque chose qui est de l'ordre de la discontinuité par rapport à la manière dont on pensait, et que ce qui s'est passé marque un avant et un après, non pas que l'après soit la suite de l'avant, mais parce que ce qui se passe aujourd'hui est incommensurable par rapport aux termes qui étaient les nôtres il y a encore 18 mois. Il faut penser à la hauteur de cette nouveauté-là. On a là un phénomène qui est un phénomène d'émergence. Et des types de questionnements qui n'existaient pas dans les termes dans lesquels on les formule il y a encore 18 mois. Alors, ça, c'est le deuxième, le deuxième grand massif, et puis s'il me reste 6 minutes, il me reste, ça va. Le troisième grand massif, qui est la question des sujets. Alors, là aussi, Foucault, moi, m'a aidé beaucoup à réfléchir à une question pour laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, mais c'était un malaise plus qu'une question au départ, et qui était l'affrontement, dans les discours qui ont été produits ces derniers mois, entre deux grandes catégories de discours. Une catégorie de discours qui prétendait, au nom de la santé publique, et encore une fois de manière parfaitement légitime, et moi j'en ai été rassurée, prétendait gouverner des populations. Je vais revenir sur ce mot de population, puisque je le prends de manière spécifique au sens foucaldien, pour pouvoir s'en sortir. Et alors, très rapidement, même population au sens foucaldien, Foucault construit le concept dans un contexte historique très déterminé, qui est le 19e siècle, à la faveur d'une étude de ce qu'il appelle la biopolitique, c'est-à-dire le déploiement de pratiques de gouvernement sur la vie, hein, biopouvoir, biopolitique. Et Foucault dit, ces populations, c'est un niveau de gouvernement qui est composé par, qui s'applique, pardon, à des objets de gouvernement qui sont constitués par des macro-ensembles de vivants humains. Vivants humains, c'est une expression qui est postérieure aux analyses de Foucault, mais je le dis dans les termes d'aujourd'hui, sur la base de un ou plusieurs traits présentés comme naturels. Par exemple, on peut constituer la population des femmes comme objet de gouvernement. Bien entendu, les femmes existent. Mais on peut constituer la population homogène des femmes comme toutes celles qui possèdent ou sont censées posséder, alors version 19e siècle, bien entendu aujourd'hui ça a changé, un utérus, et donc qui sont susceptibles de développer un certain nombre de manifestations hystériques, ce sur quoi a travaillé Foucault parce qu'il s'intéressait à Charcot. Mais on peut aussi dire on s'intéresse à la population des prolétaires. Et on dote les prolétaires, la classe laborieuse, de caractéristiques présentées comme naturelles, elles ne le sont bien entendu pas, mais qui permettent d'homogénéiser cette population, non pas seulement pour les conditions de travail qui sont les siennes, ou pour le type de fonction sociale qui est la sienne, mais parce que dans ce type de population, c'est bien connu, disait Lombroso, disait aussi Émile Zola, la propension à l'inceste, à l'alcoolisme, au tard. Fait naturel est avéré. Alors bien entendu, c'est plus comme ça qu'on pense, mais Foucault dit on a ce type de constitution là. Alors moi j'avais ça en tête et je me disais finalement dans le discours qui porte sur les vulnérables, appellation déguisée pour dire, une autre expression euphémisée, nos anciens. Est-ce qu'il n'y a pas la constitution d'une population sur un trait présenté comme naturel? L'âge, constitution sociale et politique d'une population qui, bien entendu, existe dans les faits, mais qui, dont la naturalisation passe subrepticement dans le registre du social et du politique. Qu'est-ce que c'est que traiter politiquement et socialement, gouverner sur politiquement et socialement, des objets de gouvernement naturalisés, pathologisés, dirait Foucault, en empruntant cette notion de pathologique à Georges Canguilhem. Alors, ça vaut pour les anciens, ça vaut aussi pour les jeunes. Par exemple, on a beaucoup parlé, et là aussi c'est vrai, il ne s'agit pas de dire que c'est faux, mais la fonction de la philosophie, ce n'est pas de dire c'est vrai, c'est faux, c'est de poser des questions. On a dit, l'impact de la pandémie sur les jeunes a été dévastateur, c'est vrai. On l'a tous vu parmi nos élèves et nos étudiants, parmi nos enfants parfois, ça a été très compliqué. Et en même temps, que signifie faire des jeunes, entre guillemets, une population, et donc aussi potentiellement un objet de gouvernement. Alors, j'avais ça en tête, le fait que constituer des populations comme objet de gouvernement, ça n'est pas un geste anodin, et que ça rentre, en réalité, dans le déploiement d'un régime de gouvernementalité que Foucault décrit au XIXe siècle, et qu'il fait... Qu'il construit de manière simultanée à la naissance du libéralisme économique et politique, donc un type d'économie politique particulier à partir de, du 19e siècle, du tournant 18e, 19e siècle. Alors, bien entendu, on n'est plus dans ce registre-là, mais je me disais, ça serait intéressant de réactualiser ces analyses du 19e et les populations qui vont avec, et les pratiques de gouvernement qu'il décrit pour le 21e siècle et pour ce que nous avons traversé. Réactualiser, ça ne veut pas dire nécessairement reproduire, ça veut dire se poser la question de ce qui demeure et de ce qui s'est transformé. Et ça pose, d'une certaine manière, la question de notre rapport au temps. Et puis, il y avait l'autre registre, et c'est avec ça que j'aimerais terminer. Et l'autre registre, c'était face à cela, l'extraordinaire puissance, inattendue pour moi, des discours qui s'arc-boutaient sur l'argument des libertés individuelles. Symétrique, le pendant symétrique et inverse, si vous voulez. Nécessité de gouvernement pour le bien commun, appuyé sur les populations, on va défendre et protéger nos aînés, ou encore une fois, tenir compte de la condition de nos jeunes. Et puis l'argument qui consistait à dire « mais vous mordez de manière féroce sur ma liberté », ce qui était vrai aussi, bien entendu. Et en même temps, j'avais dans l'oreille l'autre pan des analyses de Foucault pour le 19e siècle, tournant 18e, 19e siècle, ce qu'il appelle le déploiement des pouvoirs disciplinaires. Parce que les pouvoirs disciplinaires, c'est un autre niveau de gouvernement, simultané au premier, en réalité très légèrement antécédent, et qui s'applique à des individus, ou plus exactement au corps des individus, pour, dit Foucault, les mettre au travail. Les disciplines sont des dispositifs de mise au travail des corps individuels, dit Foucault. Et les biopouvoirs sont des dispositifs de gestion administrative, nosopolitique, l'argument de la santé est essentiel, de gestion administrative et nosopolitique des populations. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, entre le discours finalement extraordinairement ambigu, compréhensible, mais quelle est la frontière entre le libertarisme et le libéralisme, c'est compliqué, le discours extraordinairement ambigu de la primauté de la liberté individuelle sur le bien commun d'un côté, et le discours extraordinairement ambigu aussi de la gestion nosopolitique des populations de l'autre, y a-t-il une manière de poser les choses différemment? Et il me semble que, là encore, on assiste à un phénomène qui est un phénomène d'émergence. Et ce phénomène d'émergence, il porte le même nom que le phénomène que je pointais dans le deuxième massif. Et ce nom, c'est le nom de commun. Parce qu'il y a un autre sens du mot commun, qui n'est pas seulement une alternative à la dichotomie public-privé, deuxième massif que je signalais, mais un sens qui ferait plutôt référence à un autre statut pour les subjectivités politiques et sociales qui se donnent depuis longtemps, à vrai dire, mais qui, à la faveur de la pandémie, ont particulièrement émergé de manière visible, un commun fait de coopération, un commun fait de solidarité, un commun fait de partage. Encore une fois, ce n'est pas des valeurs que je suis en train de pointer. Ce sont des pratiques concrètes, matérielles, des modalités d'organisation, des modes de vie. J'insiste sur ce point. On est tous d'accord sur le fait que partager et être solidaire, c'est bien. En tout cas, j'espère qu'on est tous d'accord. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Ce dont je veux parler, c'est l'incroyable variété des pratiques concrètes qui ont vu le jour depuis 18 mois, dans tous les domaines, encore une fois, et qui ont constitué, paradoxalement, des sujets communs, ou plus exactement, du commun subjectif, ni individuel, ni correspondant aux vieilles formes de collectif que nous connaissions, c'est-à-dire les associations, les partis, les syndicats, les confédérations, etc., etc., etc. Alors, je vais m'en arrêter là, et je vais m'en arrêter là avec une citation que j'aime bien, parce qu'elle est émouvante, Vous savez peut-être que Foucault est mort le 25 juin 1984 de manière brutale, puisqu'il était malade du sida et qu'il ne le savait pas nécessairement. Il savait qu'il était malade. Moi, je n'y étais pas, je ne le connaissais pas, donc je ne sais pas s'il a su qu'il était malade du sida, mais peu importe, il savait qu'il était malade. Et donc, dans le dernier cours au Collège de France du 28 mars 1984, donc 3 mois avant qu'il ne meure, il termine son cours en disant « Car enfin, il est trop tard. » Je m'arrête ici parce que j'ai plus de temps, c'est un peu le phénomène du sablier. « Car enfin, il est trop tard, alors merci. » Et ce qui est émouvant, c'est que quand Frédéric Gros a réalisé l'édition du cours, « Le courage de la vérité », il y a quelques années, il a reproduit en marge, dans une note assez longue, le texte que Foucault avait écrit et prévu de lire, et qu'il n'a pas eu le temps de lire. Et le texte en question, c'est ceci. Il n'y a pas d'instauration de la vérité sans une position essentielle de l'altérité. La vérité, ça n'est jamais le même. Il ne peut y avoir de vérité que dans la forme de l'autre monde et de la vie autre. Fin de la phrase qu'il n'a pas lue. Alors, les Foucauldiens du monde entier se sont beaucoup interrogés sur l'autre monde et la vie autre, et je crois qu'il y a un consensus relatif autour de l'idée que l'autre monde, c'est pas du tout une sorte de retour du religieux dans la pensée foucauldienne de la vie après la vie. C'est simplement l'idée que dans notre propre temps, il existe des ouvertures possibles. Dans notre propre temps que nous appelons présent, il existe des affirmations de vie autre, des possibilités de vie autre, des moments d'excédence, de divergence, de réouverture des possibles, et qu'il s'agit de les identifier, et que la tâche politique et éthique, elle consiste à poser un diagnostic et à repérer ces points. Et tout le travail de Foucault consiste à dire ça ne signifie pas qu'il faille ignorer les déterminations qui nous traversent, ça ne signifie pas que l'histoire et donc notre propre temps ne sont pas déterminés par des faisceaux de causalité complexes qui existent par ailleurs et dont il faut produire l'analyse, mais ça veut dire que vivre pleinement le temps qui est le nôtre, c'est fonctionner sur le double régime du reconnaître le déjà-là et affirmer la vie autre, reconnaître le même et affirmer qu'on ne se réduit jamais ou on ne doit jamais se réduire à la reproduction du même. Alors, c'est sur ça que je voulais terminer parce qu'il me semble que c'est une belle conclusion. Dans les derniers textes, Foucault utilisait deux termes et il les avait rendus étrangement très peu synonymes alors qu'ils le sont dans leur usage commun, pour dire le déjà-là, l'état des déterminations qui sont les nôtres et qui nous traversent et qui nous font être ce que nous sommes, il parlait de présent. Le présent, c'est le régime dans lequel nous vivons en tant que déterminé par toute une série de facteurs qui nous traversent et qui nous font être ce que nous sommes, c'est-à-dire aussi penser, parler, agir de la manière dont nous pensons, parlons et agissons. Et puis, il y a l'autre régime. Et l'autre régime, c'est ce qu'il appelait, très anciennement, actualité. Et l'actualité, c'est ce qui s'ouvre à partir de points de disjonction, c'est-à-dire aussi de contradiction, c'est-à-dire aussi de transformation, c'est-à-dire aussi d'expérimentation, d'émergence, de naissance. On peut dérouler toute une série de figures pour dire cela. Ce qui est irréductible à la causalité, ce qui déborde, ce qui apparaît, qui n'est pas de l'ordre de l'épiphanie, ça ne nous tombe pas dessus, parce que c'est toujours dans l'épaisseur de l'histoire que ça se passe, mais qui, malgré tout, nous laisse bien espérer.